Chapitre 4. La vieille horloge de la tour de la mère MacDonald sonna minuit. De sa chambre, elle put entendre le craquement des chaînes et des poids dans la boîte au coin de l'escalier, et au-dessus de sa tête, le bruit désagréable du levier rouillé qui soulevait le marteau. Elle l'avait entendu toute sa vie. Le timbre frappa distinctement 11 coups, le 12e plus sourd, comme si le marteau était trop fatigué et s'endormait sur la cloche. Le vieux chat se leva du tabouret et se détira, puis la mère MacDonald ouvrit les yeux mornes et regarda lentement autour de la chambre à la lueur de la veilleuse. Elle toucha le chat de sa béquille, et il se recoucha sur ses pieds. Elle but quelques gouttes dans sa tasse et se remit à dormir. En bas, sœur Gabrielle était assise sur son lit au moment où l'horloge sonnait, car il avait fait un mauvais rêve, un cauchemar plein d'horreur, et son cœur s'était arrêté un moment, ce qui l'avait réveillé, puis il s'était remis à battre furieusement comme s'il eût été délivré d'un poids énorme. Aucun autre âme éveillée n'avait jamais connu la peur, mais cela arrivait parfois à sœur Gabrielle dans son sommeil. Il pressa ses mains sur ses tempes pendant qu'il était assis sur son lit. Ses mains étaient froides comme la glace, mais sa tête brûlait. Le rêve s'évanouit et fit place à la pensée torturante de sa vie. Avec cette pensée revint aussi la torsion maladive de ses lèvres dans l'obscurité, qu'eût été un sourire. Au loin, Elvin Warburton rêvait aussi que le sourire mort était sur sa bouche. Il s'éveilla en sursaut, avec un petit gémissement, toute tremblante, son visage dans ses mains. Mais sœur Gabrielle frotta une allumette, se leva, et se mit à arpenter sa grande chambre. Il était minuit, et il n'avait dormi qu'une demi-heure. Dans le nord de l'Irlande, les nuits d'hiver sont longues. « Je deviendrai fou, » se dit-il en pressant son front. C'était vrai. Depuis des semaines et des mois, le souvenir affolant s'était emparé de son âme comme une maladie inguérissable. Il ne pouvait penser à rien sans que cette idée s'imposât d'abord à lui. Et maintenant, tout à coup, elle outrepassait ses forces et il comprenait qu'il devait lui obéir ou perdre la raison, qu'il lui fallait faire l'acte, qu'il exécrait et redoutait, si tant est qu'il redoutât quelque chose. Autrement, le ressort vital se briserait dans son cerveau en le privant de la raison, faisant de lui un mort vivant. Il prit le cierge, le lourd et antique cierge qui avait toujours servi au chef de la maison. Il ne songea pas à s'habiller. Il partit tel qu'il était avec des vêtements de nuit en soie légère et ses pantoufles, et il ouvrit la porte. Tout était très calme dans la vieille et grande maison. Il ferma la porte derrière lui et marcha sans bruit sur le tapis dans le long corridor. Une froide brise passa par-dessus son épaule et activa fortement la flamme de son cierge. Instinctivement, il s'arrêta et regarda alentour. Tout était tranquille, et la flamme droite brûlait régulièrement. Il continua à marcher, et soudain un souffle plus fort passa derrière lui et éteignit presque la lumière. Ce souffle semblait le suivre, cesser quand il se retournait, recommencer quand il avançait. Invisible, glacial. Le long du grand escalier, jusqu'au vestibule à l'écho sinistre, il continua à marcher, ne voyant rien que la flamme brillante et vacillante du cierge par-dessus la cire qui coulait, lorsque le vent froid soufflait par derrière son épaule et dans ses cheveux. Il entra dans la bibliothèque, traversa la grande pièce, obscurcie par les vieux livres et les vitrines sculptées. La porte s'ouvrait dans les rayons dissimulés sous les livres, ou plutôt sous les dos imités de livres reliés. Il la poussa, sortit, et elle se referma derrière lui d'un bruit sec. Il pénétra dans le passage bas et voûté, et quoique la porte fût fermée et très ajustée dans son cadre, cette fois encore le vent froid souffla la flamme en avant pendant qu'il marchait. Il n'avait pas peur, mais il était très pâle, et les yeux grands ouverts brillaient, regardant devant lui et voyant déjà dans l'air sombre le tableau des choses cachées sous la terre. Arrivé dans la chapelle, il s'arrêta, la main sur la petite tablette de pierre tournante derrière l'autel. Sur la tablette étaient gravés ces mots « Clavis sepulcri carissimorum, dominorum deocram ». Clé du caveau des illustrissimes seigneurs de Ockram. Sœur Gabrielle s'arrêta et écouta. Il se figura avoir entendu un bruit au loin dans la grande maison où tout avait été si calme, mais cela ne se renouvela pas. Pourtant, il attendit en considérant la porte basse de fer. Derrière elle, au bout de la longue descente, gisait son père, sans cercueil depuis 10 mois, corrompu, terrible dans son linceul desséché. L'air du caveau était si favorable à la conservation des corps que la corruption ne pouvait encore avoir fait complètement son œuvre. Sur les traits hideux du cadavre, aux yeux ouverts, à demi desséchés, il devait y avoir encore l'effrayant sourire avec lequel l'homme était mort, le sourire qui hantait. Lorsque cette pensée traversa l'esprit de sœur Gabriel, il sentit ses lèvres se crisper et se frappa la bouche de fureur avec le dos de sa main si violemment qu'une goutte de sang coula le long de son menton, suivie de plusieurs autres, tombant noir dans l'ombre sur le pavé de la chapelle. Mais encore, ses lèvres meurtries se tordirent. Il fit tourner la tablette. Il n'était pas besoin de fermeture plus sûre, car chaque ocrame eût-il été enseveli dans l'or, et la porte eût-elle été ouverte toute grande, pas un homme dans Tyrol n'eût été assez audacieux pour descendre en ce lieu, excepté Gabriel Ockram, avec son visage d'ange, ses mains fines et blanches, ses yeux tristes et sa résolution inébranlable. Il prit la grande vieille clé rouillée et la mit dans la serrure de la porte de fer, et un bruit aigre de crécelle résonna jusqu'au bas de la descente, semblable à des pas, comme si un veilleur se fût tenu derrière les battants de fer et se fût enfui avec des pieds lourds et morts. Et bien qu'il restât immobile, Gabriel sentait encore le vent froid derrière lui qui soufflait la flamme du cierge contre le panneau de fer. Il tourna la clé. Sœur Gabriel remarqua alors que le cierge était à moitié brûlé. Il y en avait de neuf sur l'autel dans de grands flambeaux. Il en alluma un et laissa le sien achever de se consumer sur le sol. Comme il le posait sur les dalles, sa lèvre recommença à saigner et une goutte de sang tomba sur les pierres. Il ouvrit la porte de fer et la poussa contre le mur de la chapelle, de façon qu'elle ne se referma pas pendant qu'il était à l'intérieur, et l'horrible courant d'air du sépulcre infect monta des profondeurs jusqu'à lui. Il entra, mais quoique l'air fétide soufflât en face de lui, la flamme du grand cierge resta droite pendant qu'il descendait d'un pas ferme la pente facile, ses pantoufles avachies frappant le pavé tandis qu'il marchait. Il abrita le cierge avec sa main. Ses doigts minces semblaient faits de cire et de sang lorsque la lumière les traversait. Malgré lui, le courant d'air surnaturel poussait la flamme en avant, à tel point qu'elle était bleue au-dessus de la mèche noire, et on eût dit qu'elle allait s'éteindre, mais il avança résolument avec ses yeux brillants. Le passage était large jusqu'au bas, et il ne pouvait pas toujours distinguer les parois à la lumière vacillante, mais il reconnut qu'il arrivait dans le lieu funèbre, car l'écho de ses pas se fit plus sinistre dans l'espace plus grand, et par la sensation d'un mur noir lointain, il s'arrêta, en enfermant presque la flamme du cierge dans le creux de sa main. Il pouvait voir un peu, car ses yeux commençaient à s'accoutumer à l'obscurité. Des formes confuses se dessinaient dans l'ombre, là où les cercueils des ocrames étaient entassés côte à côte, chacun avec son cadavre debout, enveloppé d'un linceul singulièrement conservé par l'air sec, comme la coquille vide que la locuste rejette en été. À quelques pas devant lui, il vit distinctement la forme sombre du cercueil de fer de Sir Vernon, décapité. Il comprit que tout près de là se trouvait ce qu'il cherchait. Il était aussi brave qu'aucun de ses morts l'avait été, et ils étaient ses pères. Et il savait que tôt ou tard, il serait couché là lui-même, à côté de Sir Hugh, se desséchant lentement, pour ressembler à une enveloppe de parchemin. Mais il était encore vivant, et il ferma les yeux un moment. De grosses gouttes de sueur perlèrent sur son front. Puis, il regarda de nouveau, et à la blancheur du linceul, il reconnut le corps de son père, car tous les autres étaient brunis par le temps. Et en outre, la flamme du cierge était poussée vers lui. Il fit quatre pas pour y arriver, et soudain, la lumière brûla toute droite, répandant une lueur jaune éblouissante sur le linge fin, resté blanc, excepté sur le visage et les mains jointes posées sur la poitrine. À ces endroits-là, de répugnantes taches jaunes s'étaient étendues, foncées par les contours des traits et des doigts étroitement serrés. Il y avait une épouvantable odeur cadavérique. Pendant que Sir Gabriel regardait ainsi, quelque chose remua derrière lui, doucement d'abord, puis plus bruyamment. Quelque chose tomba sur le pavé de pierre avec un bruit sourd et roula jusqu'à ses pieds. Il recula en tressaillant, et il vit une tête desséchée gisant, le visage en l'air, sur le pavé qui le regardait en grinçant des dents. Il sentit une sueur froide se répandre sur son visage et son cœur battre plus fort. Pour la première fois de sa vie, cette vilaine chose qu'on appelle la peur s'emparait de lui, arrêtant les battements de son cœur, comme un cavalier brutal arrête un cheval tremblant, déchirant son épine dorsale avec des mains glacées, soulevant ses cheveux, montant et s'attachant dans son diaphragme comme une masse de plomb. Cependant, bientôt, il se mordit la lèvre et s'agenouilla. tenant son flambeau d'une main pour de l'autre écarter le linceul. Il le souleva lentement, il s'attacha alors à la peau à moitié desséchée du visage du cadavre, et la main de Gabriel trembla comme si on l'avait frappé sur l'épaule. Moitié peur, moitié colère contre lui-même, il le tira tellement qu'il se détacha avec un petit bruit de déchirure. Le jeune homme cessa de respirer lorsqu'il le tint, ne le rejetant pas et n'osant pas le regarder. L'horreur faisait son œuvre en lui. Il sentait que le vieux Børne Nøkram était debout dans son cercueil de fer, sans tête, et pourtant l'observant avec son tronçon de cou coupé. Pendant qu'il retenait sa respiration, le sourire mort lui tordit les lèvres. Par une colère subie de sa propre souffrance, il rejeta loin de lui le linge taché par la mort et regarda enfin. Il grinçait des dents dans la crainte de crier tout haut. Elle était là, la chose qui le hantait, qui hantait Evelyn Warburton, qui était comme une flétrissure sur tout ce qui l'approchait. Le visage du mort était couvert de taches d'un bleu verdâtre et d'un jaune foncé, et les cheveux gris de fer collés autour du front décoloré. Les lèvres enfoncées s'ouvraient à demi, et la lumière du cierge brilla sur les trous qui avaient été les yeux. Mais la bouche morte souriait, comme elle avait souri dans la vie. Les lèvres hideuses étaient séparées, étirées sur les dents jaunes, maudissant encore et pourtant défiant l'enfer de faire son œuvre. Défiant, maudissant et toujours et à jamais souriant seul dans les ténèbres. Sœur Gabrielle ouvrit le linceul et dégagea les mains. Les doigts noircis serraient un objet qui devait être un rouleau de papier. Frissonnant de la tête aux pieds, mais luttant pour sa vie comme un homme à l'agonie, il tenta de l'enlever de la main du mort. Mais à mesure qu'il tirait, les doigts ressemblant à des griffes paraissaient se fermer plus étroitement. Il fit un effort plus grand alors, et les mains crispées et les bras du cadavre se levèrent avec l'horrible aspect de la vie pour suivre son mouvement. Et quand il eut enfin arraché le rouleau scellé, les mains retombèrent à leur place et se rejoignirent. Il posa le flambeau sur le bord de la bière pour briser les cachets du papier, et un genou en terre, afin d'être plus près de la lumière, il lut ce qui était écrit depuis longtemps de la bizarre écriture de Sir Hugh. Il n'avait plus peur. Il lut ce que Sir Hugh avait écrit tout au long, afin que cela pût devenir peut-être un témoignage de son crime et de sa haine. Il avait aimé Evelyn Warburton, la sœur de sa femme. Sa femme était morte de chagrin, emportant avec elle sa malédiction. Warburton et lui avaient combattu côte à côte en Afghanistan. Warburton était tombé, mais Nøkram avait ramené la femme de son camarade un an plus tard, et la petite Evelyn, son enfant, était née à Nøkram Hall. Bientôt il s'était fatigué de la mère, morte comme sa sœur, emportant sa malédiction. Et puis Evelyn avait été élevée comme sa mère. Et il comptait que son fils Gabriel et sa fille Evelyn, innocents et ignorants, pourraient s'aimer et se marier, et que les âmes des femmes qu'il avait trompées pourraient souffrir une plus cruelle angoisse avant que l'éternité fût finie. En dernier lieu, il espérait qu'un jour, quand rien ne pourrait plus être évité, tous deux trouveraient cet écrit et continueraient à vivre, comme mari et femme, n'osant pas, dans l'intérêt de leurs enfants et à cause du monde, révéler l'horrible vérité. Sœur Gabrielle lut ses lignes à genoux, auprès du cadavre dans le caveau du Nord, à la lumière du cierge de l'autel, et quand il eut tout lu, il remercia Dieu, tout haut, d'avoir enfin découvert le secret. Mais quand il se releva et qu'il jeta les yeux sur le visage du mort, il était changé. Le sourire en avait disparu pour toujours. La mâchoire était un peu retombée, et les lèvres tirées s'étaient détendues. Alors un souffle se fit entendre derrière lui, tout près de lui, non pas froid et glacé comme celui qui avait soufflé la flamme du cierge lorsqu'il était venu, mais chaud et humain. Il se retourna soudain. Evelyn était là, tout en blanc, avec ses cheveux dorés, car elle s'était levée de son lit et l'avait suivi sans bruit. Elle avait trouvé lisant et l'avait lu par-dessus son épaule. Il tressaillit violemment en l'apercevant, car ses nerfs étaient détendus. Alors il cria son nom dans ce lieu calme des derniers sommeils. « Evelyn, mon frère !» répondit-elle doucement, avec bonheur, en tendant ses deux mains pour saisir celles de Gabriel. Ainsi s'achève « Cousins et cousines » par Francis Marion Crawford.